seul venu nulle part, sorti des trous à rats. J'ai l'avenir devant moi, m'a dit le Boumara. J'étais seul, sans stress, avec ma plume en allié. Aujourd'hui j'ai des traîtres, des ennemis et mon cahier. La plume est ma ruse, et quand j'écris je m'amuse. Parfois il est vrai que j'abuse, j'finirai peut-être en frère muse. Je me suis confié à toi, même les endroits secrets. Tu m'as offert des rageux, peu à peu je me suis vautré. J'ai eu des meufs, Ray, j'ai eu des putes. À chacun son épreuve, Ray, chacun sa chute. Enfermé en internat, à 12 piges on m'enterre pas. Je me bats, ne m'occupe que de mes fers, ça. Je suis dans l'enfer, dans le monde des bâtards. Dans le pays où les balances ont les oreilles à bavard. Malgré ma tristesse, j'ai toujours sourire aux lèvres. Et ceux qui me connaissent pas m'insultent et me détestent. Venu nulle part, je me soucie que de ma vie. Quand mes rêves s'envolent, j'en perds mes appuis. Venu nulle part, je reprends ce que l'on m'a pris. Quand nos cauchemars, c'est de rêver d'une vie. Venu nulle part, je me soucie que de ma vie. Quand mes rêves s'envolent, j'en perds mes appuis. Venu nulle part, je reprends ce que l'on m'a pris. Quand nos cauchemars, c'est de rêver d'une vie. Qu'on se le dise, j'ai quelque chose en plus. Je suis resté authentique, inutile de taper l'incruste. Signé pour la tease et les meufs pas à ce prix là. Je n'écoutais que moi et les conseils à Rila. Posé dans ma chambre, j'écrivais mes poèmes. Aujourd'hui encore je rêve de viser le sommet. J'ai le sourire à chaque coup, je me relève. En vérité c'est pas moi, c'est les gens qui m'ont rendu mauvais. Ma voix est la mienne, pas celle du PDRG. Ils ont voulu me couler, j'ai dû apprendre à émerger. Je signe mes sons de disque, mais là tout se complique. Bien sûr que j'ai des regrets, bien sûr que je remercie Fix. J'en veux à des gens, à des personnes que j'ai aidées, qui m'ont tourné le dos quand les couteaux se plantaient. J'ai posé des albums que je trouvais tellement lourds. Je cherche que je meurs, ainsi va mon dernier jour. Venu nulle part, je me soucie que de ma vie. Quand mes rêves s'envolent, j'en perds mes appuis. Venu nulle part, je reprends ce que l'on m'a pris. Quand nos cauchemars, c'est de rêver d'une vie. Venu nulle part, je me soucie que de ma vie. Quand mes rêves s'envolent, j'en perds mes appuis. Venu nulle part, je reprends ce que l'on m'a pris. Quand nos cauchemars, c'est de rêver d'une vie. Je dois tout à Metastyle. Je dois tout à J-Way. Je dois tout à Samir. Je dois tout à Ali. Je dois tout à L.L.P. Je dois tout à Larry. Je dois tout à tous mes frères du Tcheka. Libérez Samad. Libérez Samad. Venu nulle part, je me soucie que de ma vie. Quand mes rêves s'envolent, j'en perds mes appuis. Venu nulle part, je reprends ce que l'on m'a pris. Quand nos cauchemars, c'est de rêver d'une vie. Venu nulle part, je me soucie que de ma vie. Quand mes rêves s'envolent, j'en perds mes appuis. Venu nulle part, je reprends ce que l'on m'a pris. Quand nos cauchemars, c'est de rêver d'une vie. Venu nulle part, je me soucie que de ma vie. Quand mes rêves s'envolent, j'en perds mes appuis. Venu nulle part, je reprends ce que l'on m'a pris. Quand nos cauchemars, c'est de rêver d'une vie. Venu nulle part, je me soucie que de ma vie. Quand mes rêves s'envolent, j'en perds mes appuis. Venu nulle part, je reprends ce que l'on m'a pris. Quand nos cauchemars, c'est de rêver d'une vie.